ne t'a pas dit que la vie c'est pas toujours joli. Que des jeunes meurent de Marseille jusqu'à Napoli, apeurés par l'uniforme de la police. Parce qu'on n'aura pas notre place dans le pays même si on est poli. C'est la guerre dans nos têtes, guerre dans nos checks. Les minots sont devenus des guetteurs à temps plein. Guetteurs à temps plein, même sous la tempête. Élevés par le chant des guitares et de la compète. J'ai rêve de gala, ils s'en foutent des nanas. Petit fait des sous pour remplir le frigo à maman. Il grandit sans papa, il a mal, tu le verras pas. Petit fait tomber de la neige aux endroits où y'en a pas. Je l'aime jusqu'à la mort. Et si je fume tous les jours, pour moi c'est juste un calmant. J'arrive pas à trop de mal à moi. Il m'a rendu le cœur en noir. Il me dit j'ai la mentale. Je suis petit mais je perds pas la vie. C'est ça, tu prends des claques. Des potes, tu t'en fous moins que 4. Des on dit une info, tu peux finir dans le 4-4. Je comprends pas, des fois je suis calme et des fois je fais des dégâts. Je veux des sous, pas pour moi, juste pour que ma maman joue gâte. Peu à peu, gros, j'essaierai moi trop peiné. Tu le sens dans mes mots. J'ai des frères, des ferrés qui rêveraient juste d'être au bord de l'eau. Le quartier c'est l'enfer. Tu te mélanges, ils veulent te faire. J'ai compris leur manège, maintenant pour rien, ça sort le fer. Pas de zigzag, trop souvent mal entouré, mais personne le dicte. Petit frère gamberge le soir à la vue de l'estac. Un peu parano quand tu vois que des gens le pistent. Petit rêve de gala, il s'en fout des nanas. Petit fait des sous pour remplir le frigo à maman. Il grandit sans papa, il a mal, tu le verras pas. Petit fait tomber de la neige aux endroits où y'en a pas. Petit me dit j'ai beaucoup d'amis dans les cieux. Il me dit ça fait partie de la vie, les décès. Mais depuis je me sens seule ici, ils m'ont tous déçu. Déçu par la vida, déçu le cœur vidé. Des yeux rouges everyday. Petit frère s'en fume, chaque jour pour lui c'est vital. T'inquiète envers moi dès la pente, avoir la maison sur la côte. Et si tu me veux dans ta vie, fais bien gaffe à ce que tu racontes. J'ai mis mon cœur dans tes mains, mais tu l'as jeté à côté. Ne rentre pas dans mon cerveau, tu sais bien que c'est toi qui as fauté. Petit rêve de gala, il s'en fout des nanas. Petit fait des sous pour remplir le frigo à maman. Il grandit sans papa, il a mal, tu le verras pas. Petit fait tomber de la neige aux endroits où y'en a pas. Thank you.